avec des diamants dans les yeux, et dans le cœur, une passion de feu. Et mon gars, B-O-S-T-F-R, tu sais ça veut dire? Tu veux être mon ami, Mecca? Tu veux être mon ami, Mecca? Digital au Jap, c'est mon gars. Demain, c'est qui qui Jap? Ici, avec moi, hein? Ouais, c'est un petit clin d'œil pour les fans d'anime et de manga. Et toutes les teams qui font des V-O-S-T-F-R, merci de le faire! Parce que moi je jappe digital, jappe parce que je jappe digital, jappe parce qu'on jappe digital, jappe alors jappe, alors jappe. Si tu aimes Mario Bros, joue avec moi pour ta console. Si tu aimes One Piece, tout ça l'aventure. Ne reste pas seul. Si tu aimes City Hunter, accepte toutes les situations dans ce chaos. Si tu aimes Senseiya, mets ton armure et fais exploser ton cosmos. Athéna, Athéna. Parce que moi je jappe digital, je jappe parce que tu jappes digital, je jappe parce que Jap digitalo, Jap alors Japon, alors Japon. Aujourd'hui je Jap, demain c'est qui Jap? Tous les jours on Jap, demain c'est qui Jap? Alors Japon, alors Japon. Si tu aimes Zelda, play avec moi. À fond la console. Si tu aimes Shippuden, rejoins les ninjas, ne reste pas seul. Si tu aimes Bleach, Ichigo, bats-toi samouraï dans ce chaos. Si tu aimes Freezing, non, stop. C'est pas pour les adultes. C'est pour les adultes. On fait péter Tomatoes. Je jappe digitalo, je jappe parce que tu jappes digitalo, je jappe parce qu'on jappe digitalo, je jappe alors Japon, alors Japon. Aujourd'hui je jappe, demain c'est qui jappe, tous les jours on jappe, demain c'est qui jappe, alors Japon, alors Japon. Mecca, à Lausanne. On reste poli, mon gars. Parce que moi, je jappe digital. Alors, attends, c'est fini. Avec des diamants dans les yeux, et dans le cœur, une passion de feu. Et mon gars, V-O-S-T-F-R, V-O-S-T-F-R, tu sais ça veut dire? Tu veux être mon ami, Mecca? Tu veux être mon ami, Mecca?